Alors salut, c'est Dada. Donc là tu vois, on est en direct live de live. Pourquoi? Bah parce que ça va tout être fait. En gros, je vais jouer en direct, je vais refaire des ou alors voilà. Et puis je vais aussi chanter en direct. Alors c'est la première fois que je fais ça. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors en fait, je vais reprendre une chanson que j'ai fait il y a 2 ans et qui s'appelle Intolérant et je vous emmerde. Alors pourquoi cette chanson? Bah parce que je trouve que parmi les vieilles que j'ai faites, c'est une des rares que je kiffe encore quoi. Donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas faut écouter hein, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, écoutez. Salut, t'as le mec. parce que ouais, c'est aussi un peu de l'impro. Et puis bon bah voilà ce que ça donne de faire des trucs en direct live. Et putain, j'étais en transe, Oli, tu vois. Franchement, ça fait, c'est de la balle. À continuer là-dedans. Allez, danse! Yeah! Wow! Ah, dans les rangs, je vous emmerde. Je suis là dans les rangs et je vous emmerde. Je suis là dans les rangs et je vous emmerde. Je suis là dans les rangs et je vous emmerde. Come on, come on, come on. Eh ben putain. Ah, ça c'est bon. Allez, salut.